بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكونتينيو إن شاء الله شرح السنة البربهاري. بيرسون لا ترادكسيون سوبوز. يوسف ما عندكش لا ترادكسيون؟ تعرف تروفي لو تكست ان فرونسي à chaque fois؟ نعم. On est où là en fait? On est vers la fin du livre. L'auteur, Rahimahullah, dit. Pas le même numéro. Hein? Pas le même numéro là. C'est pas le même numéro, non. Sinon, demandez, je vais essayer de faire les deux en même temps. Hicham, avec le Nusra? L'arabie. Très très le kalam l'arabie, ben. Nous chauffons. Point 155. 80. 85. C'est à c'est pas une page de 100. شو عندك في المتن الفوق؟ قال المؤلف رحمه الله: واعلم ان الشراء او البيع حلال اذا بيع في اسواق المسلمين. نعم، شو هذا؟ عندك هذا؟ نعم. شو عندك؟ قال المؤلف رحمه الله: فالله الله في نفسك وعليك بالاثار واصحاب الاثار والتقليد. وي سي سا. ماكش في الصفحه لا. غوغل سي دوني لا باج. 200. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. Traduction en français: par Allah, prends garde et attache-toi au texte, leurs adeptes et aux suivis aveugles, car la religion n'est que suivi aveugle, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Ceux venus avant nous ne nous ont pas laissés dans le doute, donc imite-les et repose-toi. Ne dépasse pas les textes et leurs adeptes. Arrête-toi sur ce qui prête à interprétation. Donc ça, c'est la suite. La charte explication de ce passage. قَوْلُهُ فَاللَّهَ أَلَّهَ فِي نَفْسِكَ وَعَلَيْكَ بِالْآثَارِ وَأَصْحَابِ الْآثَرِ وَالتَّقْلِيدِ. Donc, littéralement, ça donne: par Allah, prends garde et attache-toi aux textes, leurs adeptes et aux suivis aveugles. المراد بالتقليد الاتباع، ليس وليس هو التقليد عند المتأخرين. Ce qui est voulu par التقليد c'est le suivi. Parce qu'en réalité il y a trois maratib. يعني comme Cheikh Najmi rahimahullah sur ce passage de l'auteur, il le reprend dessus. Et il dit qu'il aurait mieux fait d'éviter ce terme التقليد. Parce que التقليد c'est le fait de suivre quelqu'un aveuglément. De suivre de quelqu'un dont sa parole n'est pas un argument. Or, suivre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la parole des compagnons avec des conditions, c'est un argument, c'est un dalil. Donc il dit, le cheikh ici, le Fawzan, il fait sous-entendre le bon sens. Il dit, l'auteur, quand il dit le suivi aveugle, al-muradu bi-taqlid al-ittiba', ce qui est voulu, c'est le fait de suivre et non pas d'imiter. Wa laysa huwa al-taqlid alladhi 'inda al-muta'akhirin. Ce n'est pas sous-entendu le sens de al-taqlid, du suivi aveugle que les gens sous-entendent aujourd'hui. بل المراد به الاتباع والاقتداء بأهل العلم وأهل الصلاح. Ce qui est voulu, c'est اتباع والاقتداء, يعني suivre et prendre comme exemple. اقتداء, ça vient de قدوة ou قدوة, qui est le fait de prendre comme exemple. الأسوة والقدوة بمعنى واحد. بأهل العلم وأهل الصلاح, prendre pour exemple les gens de science, les gens de droiture. كقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. Comme Allah dit dans le Coran à propos des Sahaba, surat 9 verset numéro 100: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Il a dit ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement. وقول نعم. Pourquoi cette traduction, c'est pas Ihsan. Ihsan, c'est dans, voilà, la, naam, itqan, dans la, à la perfection. C'est-à-dire que ceux qui sont venus après les Sahaba, ils sont sous-entendus dans ce verset-là. Ils ont suivi les compagnons de la meilleure des de la meilleure des manières, on va dire. وقوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ou bien Yusuf alayhi salam dans la sourate Yusuf verset numéro 38 et j'ai suivi la voie de mes ancêtres Ibrahim et Ishaq et Yaqub. فهذا اتباع, tout ça c'est ce qu'on appelle الاتباع, le suivi. والتقليد الذي هو بمعنى الاتباع على الحق محمود. Et si on dit تقليد, le fait d'imiter quelqu'un ou de suivre aveuglément, et ce qui est sous-entendu c'est le fait de suivre sa voie, cela, yani la voie de droiture, cela est louable. أما التقليد الأعمى الذي بدون دليل فهذا هو المردود. Par contre, التقليد الأعمى, le fait d'imiter aveuglément quelqu'un sans preuve, sans argumentation, ça c'est rejeté. فالتقليد على قسمين. Le تقليد, la limitation se décompose en deux. تقليد بمعنى الاتباع للحق وهذا محمود. L'imitation qui est dans le sens de suivre dans la vérité. Ceci est louable et bien. تقليد من غير دليل. La deuxième sorte, c'est le fait d'imiter sans avoir aucune preuve. ومن غير معرفة ما عليه المقلد من حق أو باطل فهذا هو المذموم. Fait d'imiter sans avoir aucune preuve, aucune connaissance. Est-ce que la personne que tu suis, elle est sur le tort ou la vérité? Ça c'est blâmable. Les savants, ils ont sorti de cette image là, comme ils ont dans Kutub al-Usul, les livres de Usul al-Fiqh, un cas qui est le cas de l'awam, les gens de la masse. Les gens de la masse, ils connaissent pas les preuves de la religion. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est demander à quelqu'un de science. Il lui demande telle chose, c'est halal ou c'est haram? Le savant lui dit, c'est haram, c'est haram. Il n'a pas besoin de savoir le dalil, parce que c'est pas quelqu'un qui va cerner ces choses-là et les comprendre. Donc ils disent pour l'amma, les gens de la masse, ce que lui doit faire, c'est ce que la personne qui lui a décrété, une personne qui est connue pour sa religion, pour sa piété, pour sa connaissance dans la religion, il vient et lui demande, ça c'est sunnah ou c'est bid'ah? Ça il faut faire ou faut pas faire? Ça c'est du shirk ou c'est pas du shirk? Qu'est-ce que la personne elle lui dit? C'est ça sa religion. Parce que la personne de la masse, elle est limitée. Elle ne peut pas comprendre les textes, et ça c'est abrogé, ça c'est da'if, ça c'est ceci, cela. Donc, taqlid pour les gens de la masse, envers quelqu'un de science, etc., c'est ja'iz, c'est autorisé. Qala wa alayka bil athar. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, attache-toi au texte. Yani ilzam as-sunna wa al-hadith. C'est-à-dire, reste à proximité et attache-toi, cramponne-toi à la sunna du messager et aux hadiths qui ont été rapportés. Qawluhu fa'inna ad-dina innama huwa at-taqlid. يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. Car la religion n'est que suivie aveugle, c'est-à-dire du prophète et de ses compagnons qu'Allah les agrée tous. وهذا نوع وهذا هو الاتباع. Donc il dit c'est ça le suivi. C'est ça le suivi à propos duquel on doit y mettre en application. قوله من قبلنا لم يدعونا في لبس. من قبلنا من القرون المفضلة والأئمة لم يدعونا في لبس من ديننا. Non, lam yada'una fi labs. Non, sahih. Ceux venus avant nous ne nous ont pas laissés dans le doute. Donc imite-les et repose-toi. C'est-à-dire ceux qui sont venus avant nous, ils ne nous ont pas laissés dans quelque chose qui n'est pas clair. Man qablana min al-qurun al-mufaddala, les premiers siècles, les premières générations, les sahaba, les tabi'in et ceux qui sont venus par la suite, ils ne nous ont pas laissés dans quelque chose qui est flou, une religion qui est floue, qui n'est pas clair. Au contraire, vous avez le hadith qui est connu dans Sunan ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit taraktukum ala al-bayda, je vous ai laissé sur une voie blanche, claire. Layluha kanahariha la yaziru anha illa halik. Bayyanu lana hadha ad-din wa assaluhu wa harraruhu. C'est-à-dire que cette religion, ils l'ont clarifiée. Ils ont imposé ses fondements et ils l'ont pas laissé flou. Fama alayna illa an nattabi'ahum fi dhalik wa nasira ala manhajihim. Notre fonction à nous, c'est de les suivre et de marcher sur la voie qu'ils nous ont tracée. لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَصِّرُوا فِي بَيَانِ هَذَا الدِّينِ وَتَأْصِيلِهِ. Parce qu'ils ont fait leur travail dans le fait de nous clarifier qu'est-ce que cette religion, montrer les fondements, et etc. وَنَفِي الْبِدَعِ. Ils ont combattu les innovations et ils ont rejeté de la religion. Et toutes les choses qui se sont rattachées à la religion qui sont fausses. Hada ma'na al-sha'iba wa al-shawa'ib al-jama', le pluriel. Shawa'ib, kullu sha'iba tata'allaq bit tawhid min shirkin wa bid'a wa kada. C'est ça le sens. Sha'iba, c'est quelque chose qui s'attache mathalan au tawhid et qui n'en fait pas partie. Une sorte de shirk, une sorte de d'innovation, quelque chose qui n'est pas bien et qui s'attache à quelque chose qui est pur. وجددوه ووضحوه رحمهم الله. Les prédécesseurs, ils ont clarifié les choses, ils n'ont rien laissé au hasard. قوله فقلدهم واسترح. L'auteur رحمه الله تعالى dit imite-les et repose-toi. Fais comme ce qu'ils ont fait et repose-toi. لا تكلف نفسك فقد كفيت فإنك على حق إن قلدتهم. Ne cherche pas à faire mieux, ne cherche pas à rentrer dans l'exagération. فقد كفيت, ce qu'ils ont fait est amplement suffisant. فإنك على حق إذا قلدتهم. Si tu les suis, tu seras sur la voie de droiture. قوله ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. Donc il dit, رحمه الله, l'auteur, ne dépasse pas les textes et leurs adeptes. لا تجاوز الحديث وأهل الحديث فإنهم على الحق. Ne cherche pas à surpasser les gens qui se sont attachés au texte, les gens qui se sont attachés à la sunna du messager. وهم الفرقة الناجية. Ce sont eux la fraction sauvée. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله من هم الفرقة الناجية قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. الإمام أحمد رحمه الله, أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, quand il a été interrogé quelle est la fraction, quel est le groupe sauvé, qui sont les gens qui caractérisent le groupe sauvé, il a dit, si ce ne sont pas les gens du hadith, si ce ne sont pas les gens qui s'attachent à la sunna, s'attachent au texte, je ne sais pas alors de qui il s'agit. قال المؤلف رحمه الله وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقش شيئا. Ne dépasse pas les textes et leurs adeptes. Arrête-toi sur ce qui prête à interprétation dans le Coran et les hadiths. Et ne pratique aucune analogie. قال رحمه الله تعالى أو قال الشارح قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Surat 3 verset 7 à 9. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, les versets muhkam, et d'autres versets qui peuvent prêter à différentes ou à diverses interprétations. C'est les versets mutashabih. Les gens, donc, qui ont encore une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs, après que tu nous aies guidés, accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur, Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour. En quoi il n'y a point de doute, Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. 3 versets 7 à 9. فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن فيه آيات محكمات واضحة المعنى لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها. Donc il dit, Allah informe dans ce verset qu'il a révélé des versets qui sont clairs, محكم, qui sont clairs, le sens est clair. On n'a pas besoin d'un autre verset pour l'expliquer. C'est ça qui donne la définition, les ulama, sur le verset محكم. Ils disent le verset محكم الذي لا يحتاج أو لا يحتاج إلى غيره في تَوْضِحِهِ أَوْ تَفْسِيرِهِ. Et le mutashabih, c'est le contraire. C'est un verset dont on a besoin d'un autre texte, d'un autre verset pour le clarifier. الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَى غَيْهِ لِفَهْمِهِ أَوْ لِيَظْهَرِ مَعْنَاهِ. وَذَلِكَ قَالَ تَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرِهَا إِلَى غَيْرِهَا وَآيَاتُ مُتَشَابِهَاتٍ تَحْتَاجُ فِي تَفْسِيرِهَا إِلَى غَيْرِهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَذَلِكَ كَالْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. C'est-à-dire les textes qui sont à l'absolu et les textes qui sont on va dire, délimités. Des textes qui sont généraux et des textes qui sont spécifiés. Des textes qui sont abrogeants, nasikh, et des textes qui sont abrogés. Kullu hadha mawjoud fi kalam Allah. Tout ça est existant dans les paroles d'Allah, dans les versets, dans les hadiths. Wa kalam rasoulih, dans les paroles du messager. Fa ahlu az-zayr ya'khudun al-mutashabiha wa yatrukun al-muhkama. Les gens de la déviation, ils prennent les textes qui sont prêtant à différentes interprétations. Les textes qui ne sont pas clairs. Il faut d'autres textes pour les comprendre. Et ils mettent l'accent dessus. Et ils laissent les versets qui sont clairs, qui ne prêtent pas une interprétation autre. لِيَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْفِتْنَةِ. Pourquoi? Parce qu'ils veulent semer la zizanie, la discorde, la dissension. وَيَقُولُوا نَحْنُ نَسْتَدِلْ بِكَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ. Et ils disent, nous, on cherche nos preuves dans le Coran. On cherche nos preuves dans la sunna. وَيَأْخُدُونَ طَرَفًا وَهُوَ الْمُتَشَابِهِ. C'est vrai, ils prennent des versets du Coran, des hadiths de la sunna. Mais ils prennent des textes qui sont équivoques. Ils prennent une partie et ils délaissent une partie. وَيَتْرُكُونَ الطَّرَفَ الْآخَرَ الَّذِي يُفَسِّرُهُ وَيَوَضِّحُهُ. Et ils laissent d'autres textes qui viennent clarifier quel est le sens réel de ces versets, quel est le sens réel de ces hadiths. وَيُقَيِّدُهُ وَيُبَيِّنُهُ. Et يُقَيِّدُهُ وَيُبَيِّنُهُ. Qui vient clarifier, qui vient spécifier et mettre le lampadaire au-dessus de ces textes-là, qui vient montrer quel est le sens. أَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الثَّابِتُونَ فِي الْعِلْمِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ceux qui sont enracinés dans le savoir, dans la science religieuse, et qui sont fermes dans leur connaissance, ils disent, tous ces versets-là, tous ces textes, viennent d'une seule et même source, viennent d'Allah. فَيَرُدُّونَ الْمُتَشَابِهَ إِلَى الْمُحْكَمِ. Les versets qui ne sont pas clairs, ils les ramènent vers les versets qui sont clairs et ils en tirent une conclusion. فَيُفَسِّرُهُ وَيُوَضِّحُهُ وَيُبَيِّنُهُ لَهُمْ فَيَعْمَلُونَ بِالْقُرْآنِ كُلِّهِ وَبِالسُنَّةِ كُلِّهَا. Ils réunissent tous les textes et ils en tirent une conclusion. وَيَقُولُونَ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا أَمَّا أَهْلُ الزَّيْغِي فَيَأْخُذُونَ طَرَفًا وَيَتْرُكُونَ الطَّرَفَ الْآخَرَ. Les gens de la déviation, ils prennent des textes du Coran, des textes de la Sunna, ils prennent une partie, ils délaissent une partie. وَيَقُولُونَ هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ. Ils disent, ça fait partie du Coran, ça vient du Coran. نعم هو من القرآن ولكن هو في نفسه غير واضح يحتاج إلى توضيح. C'est vrai, ça vient du Coran, ça provient du Coran, le texte que tu as utilisé. Mais ton texte n'est pas clair. Il a besoin d'être clarifié. والله قد وضحه في آيات أخرى. Et Allah a clarifié ce texte dans d'autres versets. والرسول عليه السلام قد وضح في أحاديث صحيحة فيرد كلام الله وكلام رسوله إلى بعضه. Le messager a clarifié nombre de textes à travers la sunna. Et on prend les paroles d'Allah, les paroles du messager, et les paroles du messager, on réunit, on fait une synthèse et on tire des conclusions. فَيُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا. Ça vient d'une seule et même source, d'une seule et même racine. Donc l'un explique l'autre, l'un clarifie l'autre. وَيُوَضِّحُ بَعْضُهُ بَعْضًا هَذِهِ طَرِيقَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ الرَّاسِخِينَ. C'est ainsi qu'agissent les gens qui sont enracinés dans le savoir. أَمَّا أَهْلُ الزَّيْغِ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَيَتْرُكُونَ بَعْضَهُ. Les gens de la déviation prennent une partie du livre et ils délaissent une partie du livre. Ils prennent une partie de la sunna, ils délaissent une partie de la sunna. وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. Il dit ça, c'est existant dans toute époque et dans tout endroit. Il y a des gens qui sont comme ça. بَعْضُهُمْ يَفْعَلُ هَذَا عَنْ تَعَمُّدٍ يُرِيدُ التَّضْلِيلَ. Certains font ça d'une manière volontaire. Ils veulent égarer les autres. وَبَعْضُهُمْ يَفْعَلُ هَذَا عَنْ جَهَلٍ. Et certains font ça par ignorance. لِأَنَّهُ مُتَعَالِمْ لَا يَدْرِي. Pourquoi? Parce qu'il est مُتَعَالِمْ. مُتَعَالِمْ, c'est quelqu'un qui s'occupe des choses qui sont au-dessus de son niveau. Il croit qu'il a de la science alors qu'il n'en a pas. لَمْ يَدْرُسِ الْأُصُولَ. Il n'a pas étudié les fondements. Ce qu'on parle avant. المطلق, المقيد, الناسخ, المنسوخ, العام, الخاص. Il y a des textes qui sont spécifiques, des textes qui sont généraux, etc. وَلَمْ يَدْرُسْ عُلُومَ الْقُرْآنِ. La science du Coran, comment expliquer le Coran, comment comprendre le Coran, ce verset est descendu quand, pourquoi, avec qui, qu'est-ce qui s'est passé, etc. وَعُلُومَ الْحَدِيثِ وَالْمُصْطَلَحِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ. Il n'a pas étudié la science du hadith, les différents hadiths, différents degrés de hadith, d'authenticité, tout ça. وَأُصُولِ الْفِقْهِ, les fondements dans la jurisprudence. وَأُصُولِ الْفِقْهِ. لَمْ يَدْرُسْ هَذِهِ الْأُمُورِ. Il n'a pas étudié tous ces domaines, toutes ces matières. غَايَةَ مَا هُنَاكَ أَنَّهُ كَثِيرُ الْمُطَالَعَةِ. Si vraiment on veut donner des caractéristiques, Si vraiment la personne a des caractéristiques, c'est quoi? Kathir al-Mutala'a, il lit beaucoup. Kathir al-Hifd, il a une bonne mémoire, il mémorise bien. Fadhanna annahu alim. Il croit qu'il est alim. Il y en a, ils apprennent le Coran par cœur, ils croient qu'il est alim. Il apprend un livre de hadith, ils croient qu'il est alim. C'est pas comme ça. Idha kana yahfaz kathiran wa yutali'u kathiran. Il mémorise beaucoup, il lit beaucoup. Et ça ne veut pas dire que c'est un alim, que c'est un connaisseur. لكن ليس عنده أصول العلم وقواعد العلم les fondements, les racines à travers lesquelles tu vas comprendre les textes il ne les a pas لأنه لم يتعلم على أهل العلم pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris la science des gens de science فهذا على جهل celui-là est ignorant وهو في نفس الأمر ضال et en même temps il est égaré لأن الطريق الذي يسير فيه طريق ضلال parce que le chemin qu'il a pris c'est un chemin d'égarement. Umur al-din wa umur al-ahkam al-shar'iyya tahtaju ila 'inaya. Les sujets religieux, les sujets qui traitent des lois religieuses ont besoin qu'on en prenne soin, qu'ils soient étudiés de la manière qu'il faut. Wa tahtaju ila ta'allum, il faut s'instruire à son sujet. Wa tahtaju ila talaqqi 'an ahli al-'ilm. Cette science là, elle se prend des ulama. Fa hum bayna amrayn. Ils sont entre deux catégories. إما زائر يعرف أنه مخطئ ولكن يريد التضليل يعني الشيخ يبارل دي جان كي مت لاكسان سوري فرسي إكيفوك سواء إلي إلا طور إي يفو إغاري لزوتر ويقول هذه آية وهذا حديث إي ديو جان جي بخي فرسي دي قرآن جي بخي حديث دي مساجي وأنا أستدل من كلام الله ومن كلام رسوله ويغر الناس إي دي سي لبارول دالله كو جي يتليزي لبارول du messager que j'ai utilisé. Et il trompe les gens. Ou alors c'est un ignorant. C'est pas, il a un dalil, mais il n'a pas wajh al-istidlal. Il utilise un hadith ou un verset dans un domaine où ce verset, ce hadith n'a rien à voir avec ça. Voilà tariqa, fahm al-nusus, fahmi, avec une kasra, un khata matba'i, une fatha. Voilà tariqa, fahm al-nusus. Il n'a pas la manière dont on comprend les textes. لا يعرف هذه الأمور. connaît pas ces fondements-là, لأنه لم يتعلم على أهل العلم. فإنما تعلم على الورق. il a pas appris chez les gens de science, il a appris en tournant les pages. et les ulama قديما, à l'époque ils ont dit, لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. tu prends pas le Coran de quelqu'un qui a appris dans le mushaf. il a tourné les pages, il a appris le mushaf tout seul. parce que le Coran ça s'apprend chez quelqu'un. et ne prends pas la science d'un صحفي. c'est quelqu'un qui tourne les pages aussi. il a appris seul dans les livres. il faut, surtout ces matières qu'il a citées Cheikh, Usul al-Fiqh, Mustalah al-Hadith et d'autres matières, il faut impérativement un enseignant si tu veux prendre une science qui est fondée. فالأمر خطير جدا. il dit donc, le sujet n'est pas à prendre à la légère. لذلك يتعين على طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الأمر. les gens qui étudient la science religieuse doivent prendre conscience de ce point-là. وأن يدرسوه دراسة حقيقية على أهل العلم. ces bases et ces racines, il faut les étudier sérieusement chez les gens de science. وعلى أهل البصيرة إن كانوا يريدون الهدى والخير. s'ils veulent acquérir le savoir, qu'ils l'apprennent des gens du savoir. وإلا فالمسألة خطيرة جدا. le sujet est très dangereux. وليس الأمر مقصورا عليهم أنهم يهلكون وحدهم. le sujet n'est pas que juste ces personnes-là, elles vont s'égarer elles-mêmes et c'est fini. لكن يهلكون غيرهم. ils vont s'égarer, vont égarer les autres. ممن يقتدي بهم ويتبعهم les gens qui les prennent comme exemple, les gens qui les suivent. فأدلة الشرع مترابطة بعضها ببعض. les preuves ayant trait à la religion, les textes, ils marchent ensemble. les textes, ils sont rattachés les uns aux autres. والأحكام الشرعية مترابطة والذي يقطع الصلة بينها يقطع ما أمر الله به أن يوصل. celui qui coupe la relation qu'il y a entre les versets, la relation qu'il y a entre les hadiths ou les textes en général, il a coupé ce à propos de quoi Allah a demandé que les relations restent conformes. وَيَكُونُ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُسْتِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. il rentrera dans la menace où Allah dit dans le verset, surat 13 verset 25, ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé, ils rompent ce qu'Allah a commandé d'unir. Ils rompent les textes qui sont unis et rompent les liens entre eux et commettent le désordre sur terre auront la malédiction et la mauvaise demeure. Wal'iyadu billah. Qala al-mu'allif rahimahullah qawluhu wa la taqis shay'an. L'auteur rahimahullah ta'ala dit ne pratique aucune analogie. Mathalan, qala Allah al-murad al-qiyas al-batil. Ce qui est voulu c'est l'analogie, c'est-à-dire mesurer quelque chose sur autre chose. Il y a l'analogie qui est conforme à la sharia, il y a l'analogie qui n'est pas conforme. Mathalan, exemple, il dit قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الله دي دا القرآن سورة 2 234. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Et dans le verset suivant, c'est-à-dire un peu après, verset 240, le verset, ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant à un an d'entretien sans les expulser de chez elles. Le cheikh dit Fawzan faqahullah ja'ala 'iddat al-wafat sanatan kamila. Et sana, c'est pas sunna. Il dit dans le deuxième verset qu'on a lu, il cite que la période de viduité, ou plutôt la période de 'idda que la femme elle doit attendre avant de pouvoir se remarier, est d'une durée de 1 an. Matan ila al-hawl. Al-hawl c'est une année. بأي الآيتين تأخذ. Dans le premier verset il a dit 4 mois et 10 jours, dans le deuxième il a dit 1 an. Quel verset on prend? العلماء جمعوا بين الآيتين. Les savants ont fait une fusion entre les deux versets. بأن الآية الأخيرة هذه كانت في أول الأمر. C'est que le deuxième verset, le verset qui cite 1 an, ça c'était la législation qu'Allah a révélée au début. كان في أول الأمر المتوفى عنها تبقى في بيتها سنة كاملة في العدة. Au début, la période d'attente d'une femme dont son mari est décédé était d'attendre une année complète. Mais moi j'ai sunnatan. Eh, c'est sana. C'est faux. Non. ثم خفف الله جل وعلا. Puis Allah a allégé الحكم, la loi. De 1 an, il est passé à 4 mois et 10 jours. فأنزل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن يعني بلغنا أربعة أشهر وعشرة. Dans le verset 234, ici c'est une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reproche pas la façon dont elles disposeront d'elles, même d'une manière, mais dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. لا جناح أن تخرج من العدة وتتزوج وتتزين وتتطيب لأنها انتهت عدتها. Donc après les 4 mois et 10 jours, il n'y a pas de mal qu'elle sorte et qu'elle s'embellisse, yani pour le khutab, les gens qui viennent demander au mariage, et qu'elle se marie. Parce que la période de viduité ou la période d'attente a pris fin. Allah Jalla wa'ala, ça c'est des exemples. Il y a les deux versets qui se contredisent dans le Coran. Quel verset on prend? Allah Jalla wa'ala amara bi qat'i yadi s-sariq. Allah a ordonné de couper la main du voleur. Dans la surat al-Ma'ida. S-sariq wa s-sariqatu taqta'u aydiyahuma. Dans le verset 38, le voleur et la voleuse a tous deux coupé la main. Vers surat 5, verset 38. Ayyul yadayni tuqta'. Quelle main on coupe? Droite, gauche, ou min ayy makanin tuqta', d'où on la coupe? Parce que la main, al-yad, dans la langue arabe, tutlaq wa yuradu biha al-yad al-ma'rufa, c'est-à-dire qu'on dit la main, ce qui est voulu c'est la main jusqu'à rusq, jusqu'à poignet, tutlaq wa yuradu biha hatta al-mirfaq, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle aussi main, et تطلق ويراد بها الكل. Tout ça avec l'adud, avec ce membre-là, jusqu'à l'épaule. Tout ça, c'est sous-entendu main, mais l'oral arabia, l'yad. Donc ici, qu'est-ce qui est voulu? Est-ce qu'il faut couper la main au poignet? Il faut couper la main au coude? Il faut couper la main à la katif? Ici. Kullu hadha laysa. Naam. Wa kam al mablagh alladhi tuqta'u bihi al-yad. À partir de combien on coupe une main? À partir de quelle valeur? Quelqu'un qui vole un œuf, c'est pareil que quelqu'un qui vole une grosse somme? Kullu hadha laysa fi al-Qur'an. Toutes ces informations, ces détails ne sont pas dans le Coran. Hadha fi sunnat الرسول عليه السلام. Ça c'est venu détaillé dans la sunna du messager. الذي وكل الله إليه بيان القرآن. Qu'Allah il a envoyé et il lui a donné cette fonction et cette responsabilité, lourde responsabilité, d'expliquer le Coran. فبين أن التي تقطع اليد اليمنى. Il a montré le prophète صلى الله عليه وسلم que la main qui doit être coupée est d'abord la main droite. والقطع من مفصل الكف. وأنه لا يجوز القطع إلا إذا بلغت السرقة النصاب ثلاثة دراهم أو ربع دينار. Et le messager a clarifié que l'endroit où on coupe la main, c'est au poignet. C'est ni au coude, ni à côté de l'épaule. Et que le montant minimum, c'est la valeur de 3 dirhams. C'est une unité de mesure. On a dit c'est à peu près un dirham, c'est à peu près 3 grammes d'argent. Ou bien ربع دينار, un dinar, c'est 4,25 grammes d'or. Donc, tu divises par 4. Donc, un peu plus d'un gramme d'or. À partir de l'équivalent d'un peu plus d'un gramme d'or, la main est coupée. فَالسُنَّ مُفَسِّرَا لِلْقُرْآنِ. Donc, on voit bien que ici, la sunna, elle vient clarifier le Coran. Allah amara bi'iqami salat. Allah a ordonné de faire la prière. Dans beaucoup de versets dans le Coran. كَمْ salawat. Quelqu'un pose la question. Combien y a de prières? وَمَا هِيَ مَوَقِتُهَا. Quand est-ce qu'il faut faire les prières? وَمَا هِيَ أَعْدَادُ الرَّكَعَاتِ. Combien il y a d'unités de prière dans chaque prière de rak'a? مَنِ الَّذِي بَيَّنَ هَذَا. Qui a clarifié cela? هُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. C'est le messager dans sa sunna. السُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَتُوَضِّحُهُ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ. La sunna est indissociable du Coran. Elle est venue clarifier le Coran. Elle est venue montrer ce qui n'est pas مَا أُبْهِمَ فِي الْقُرْآنِ فَسَّرَتُ السُنَّةُ. Ce qui est venu très général dans le Coran, et la sunna est venue le clarifier. فَالْمَسْأَلَ تَحْتَاجُ إِلَى عِلْمٍ. Donc, tout ça, ça a besoin de connaissances, de savoir pour interpréter les choses de la bonne manière. وَتَحْتَاجُ إِلَى بَصِيرَةٍ وَتَحْتَاجُ إِلَى فِقْهٍ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. كَذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit le hadith fi sahihain: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا. Ne revenez pas après moi, ou ne revenez pas, c'est-à-dire vous étiez mécréants avant que je vous rencontre. Après ma mort, le fait qu'il ne faut pas qu'ils redeviennent mécréants. Kuffaran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Les uns frappent les coups des autres. Yani vous entretuez les uns aux autres. C'est ça, les uns les autres. C'est ça qui est sous-entendu. Hada yadullu ala anna alladhi yaqtulu al-mu'mina yakunu kafiran. Ce hadith-là, en apparence, montre que celui qui tue un croyant, il est mécréant. Ne redevenez pas après moi kuffar, mécréant. Kharijan min al-milla. Il n'y a que quelqu'un qui tue un autre, il sort de l'islam. لكن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. Donc il dit, Allah dit dans le Coran, verset 178 de la sourate numéro 2, oh les croyants, vous a prescrit le talion au sujet des tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. فسمى القتيل أخا للقاتل. Il a nommé القتيل. القتيل c'est المقتول. القتيل avec ta il y a c'est المقتول, celui qui a été assassiné. C'est-à-dire il a nommé l'assassiné frère de l'assassin. القاتل avec un alif après le qaf, il n'y a pas de ya derrière, c'est l'assassin. Et le qatil, c'est l'assassiné. فَسَمَّ الْقَتِيلَ أَخًا لِلْقَاتِلِ. Donc dans le verset, Allah dit, mais celui à qui son frère aura pardonné. C'est-à-dire quelqu'un a tué un autre, celui à qui son frère aura pardonné. مِنْ أَخِيهِ يَعْنِي Al-Qatil, c'est-à-dire celui qui a été assassiné est le frère de l'assassin. فدل على أن القاتل لا يخرج من الإسلام. Ça, ça montre que l'assassin ne sort pas de l'islam. Sinon, il ne serait pas son frère. وأن الأخوة الإيمانية باقية. La fraternité de religion reste existante. فيكون المراد بالكفر في قوله لا ترجع بعد كفارا الكفر الأصغر. Donc, on déduit de cela, les savants ont déduit de cela, que dans le hadith, quand il a dit ne redevenez pas après moi, après ma mort, mécréant, ce qui est sous-entendu, c'est la petite mécréance. Il y a deux mécréances. Il y a la mécréance qui fait sortir de l'islam et la mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Pareil pour le verset dans Surat al-Hujurat. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Surat 49, verset numéro 9. Si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Deux groupes de croyants se combattent. Il dit dans l'explication, min al-mu'minin dalla ala annahu la yazulu al-iman. Les deux ils sont croyants. Ça montre que le fait de s'entretuer, ce n'est pas, ça ne fait pas sortir de l'islam. La yazulu al-iman bil iqtital bayna al-mu'minin wa inma hadha kabira min kabair ad-dhunub. Attention, le cheikh il est pas en train de dire que c'est quelque chose de il y a pas de problème, c'est rien et tout ça, mais il montre que on a besoin des textes les uns avec les autres. Il ramène un hadith qui montre que celui qui tue, il serait mécréant. Et dans les versets, il te montre que ce n'est pas le cas à l'absolu. Et ça fait partie des grands péchés. Wa huwa kufrun asghar. Et ça rentre dans la petite mécréance. Toute chose qui est petite mécréance, c'est plus grave qu'un grand péché même. Thumma qal, innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum. Dans le verset suivant, verset 10 de la même sourate, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde envers vos frères. Donc dans le premier verset, il a dit, si deux groupes de croyants se combattent. Et dans le verset suivant, il dit, les croyants ne sont que des frères. Ça montre qu'ils ne sortent pas de l'islam à travers cela. Il a fait en sorte, il a considéré que même les gens qui s'entretuent, ils restent frères. Fala budda min at-tarawi fi hadhihi al-umur. Shma'na at-tarawi. Tarawi, ça vient de quel mot? Tarawa, ce qui est rapporté. Là. Par rapport au texte. Le savoir, là. Là. Savoir. Là, je t'aurais dit. Après, tu as fait échec avec Tarawi, là, qui est un Rawiya. Rawiya, c'est la réflexion. Ça, Hicham, c'est un mot. La réflexion. Tarawi, c'est que tu réfléchis, je confirmerai, Hicham. قلت علي الشك الصبر وقنا ضروري تروي تروي يعني الانسان يروح شويه شويه تمبيري بارك الله قال والتفقه في دين الله واخذ العلم من مصادره وعن حملته يعني لا dans ces domaines surtout dans ces domaines faut y aller doucement faut parler avec science et connaissance et prendre la science de Masadir, de ses sources, et des gens qui la portent, les gens qui portent cette science. وَكَمَا أَنَّ فِي الْقُرْآنِ آيَاتٌ مُتَشَابِهَةٌ كَذَلِكَ فِي الْأَحَدِيثِ أَحَدِيثٌ مُتَشَابِهَةٌ. Comme dans le Coran, il y a des versets qui prêtent à équivoque, également dans la sunna du messager, il y a des hadiths qui prêtent à équivoque. الْأَحَدِيثِ أَحَدِيثٌ مُتَشَابِهَةٌ يُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَيُوَضِّحُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَيُفَسِّرُ بَعْضُهَا. Donc il dit les hadiths s'expliquent les uns avec les autres, les versets les uns avec les autres, et il y a même des hadiths qui expliquent des versets et des versets qui expliquent des hadiths. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. Donc il dit l'auteur رحمه الله تعالى البربهاري ne cherche pas en toi une réponse pour refuter les adeptes de l'innovation, car on t'a commandé de garder le silence avec eux, ou bien devant eux. Donc on ne leur permet pas de t'atteindre. Donc ne leur permet pas de t'atteindre. Ne sais-tu pas que Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, malgré la distinction qui est la sienne, c'est-à-dire qu'il a un niveau de savoir considérable, n'a répondu à aucune question de l'innovateur qui l'interrogeait. Il n'a pas écouté de lui un seul verset du livre d'Allah. On l'interrogea à ce sujet et il répondit: je crains qu'il ne le déforme et que quelque chose naisse dans mon cœur. Achar explication. قال ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. C'est-à-dire, je répète, ne cherche pas en toi une réponse pour refuter les adeptes de l'innovation. إذا أردت أن ترد على أهل البدع فلا ترد عليهم بجهل. Si tu veux répliquer sur les innovateurs, ne réplique pas avec ignorance. فإن هذا يزيد البلاء بلاء. Parce que ça va rajouter que problème sur problème. On avait vu dans Kun Salafiyan de Cheikh Abdussalam qu'il y a deux conditions pour الرد على المبتدعة, répliquer sur les innovateurs. الشرط الأول الإخلاص. الشرط الثاني العلم. La première, c'est la sincérité. Tu répliques aux innovateurs, c'est la sincérité dans ta réplique, montrer qu'ils ont tort aux gens pour pas que les gens les suivent, pour un, c'est en même temps un conseil pour eux, etc. C'est pas juste pour les avilir. Et la deuxième, c'est l'ilm, la science. Si t'as pas de science, il n'était pas permis de parler. Donc Cheikh dit, فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِجَهْلِ. Ne réplique pas sur eux avec le Hamas, comme certains y font. Il est énervé, okay, il dit n'importe quoi, et il croit qu'il réplique sur les innovateurs. C'est pas de cette manière-là qu'on agit. فَإِنَّ هَذَا يَزِيدُ الْبَلَاءَ بَلَاءً. Ça, tu vas que rajouter de l'huile sur le feu. فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِعِلْمِ. Si tu répliques, c'est avec savoir. إِذَا كَانَ عِنْدَكَ عِلْمٌ وَاسْتِعْدَادٌ لِمَعْرِفَةِ الرَّدِّ فَرُدَّ وَإِلَّا فَلَا تَدْخُلْ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ. Il dit, si tu as de la science et tu es capable d'assumer cette responsabilité, la réplique, réplique sur eux. Si ce n'est pas le cas, ne rentre pas dans ce domaine. Le Maïdan, c'est le domaine. فَيَكُونُ مَا تُفْسِدُ أَكْثَرْ مِمَّا تُصْلِحْ. Car ce que tu vas périr ou tu vas corrompre, l'ifsad que tu vas faire, il sera plus grand que l'islah. Le désintérêt sera plus grand que l'intérêt qu'il y a là-dedans. لَا تَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِهَوَاكْ أَوْ بِمَا يَتَرَاءَ لَكَ مِنَ الْفِكْرِ. Ne réplique pas selon ce que toi tu penses, ou selon ce que toi tu vois, ou ce que tu considères. لَا تَرُدَّ إِلَّا بِعِلْمُ وَإِلَّا فَتَوَقَّفْ. Tu répliques avec science ou alors tu te tais. قَوْلُهُ فَإِنَّكَ أُمِرْتَ بِالسُّكُوتِ عَنْهُمْ. Car il t'a été... On t'a commandé de garder le silence devant eux. إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ عِلْمٌ فَسْكُتْ. Si t'as pas de science, tais-toi. نَعَمْ إِكْرَهْ مَا هُمْ عَلَيْهِ وَأَنْكِرْهُ بِقَلْبِكَ. Déteste ce qu'ils sont en train de faire ou les actes dont ils sont auteurs. Tu sais que c'est pas bien et blâme dans ton cœur parce que tu n'es pas capable de tenir le discours avec ta langue. لَكِنْ لَا أَنْتُكُمْ تَتَدَخَلْ. C'est لَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ. لَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ. Il y a un ta en trop. لَكِنْ لَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي رَدْ بِدُونِ عِلْمِ. Ne rentre pas dans un cercle vicieux, dans un débat avec eux, une discussion sans science. فَيَكُونَ مَا تُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا تُصْلِحُ. Parce que ce que tu... le mal qu'il y a dans le fait que tu rentres dans ce sujet-là sera plus grand que le bien s'il y a un bien là-dedans. قَوْلُهُ وَلَا تُمَكِّنْهُمْ مِنْ نَفْسِكْ. Donc il dit l'auteur, rahimahullah, on t'a commandé de garder le silence devant eux, donc ne leur permet pas de t'atteindre. لِأَنَّكَ إِذَا رَدَدْتَ بِجَهْلٍ مَكَّنْتَهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ يَرُدُّونَ عَلَيْكَ وَيَتَغَلَّبُونَ عَلَيْكَ. Parce que si tu répliques avec ignorance, c'est toi qui leur as donné le bâton pour te frapper, ou tu leur as ouvert la porte pour qu'ils ils prennent le dessus sur toi. إِنَّ أَنَّهُمْ يَرُدُّونَ عَلَيْكَ وَيَتَغَلَّبُونَ عَلَيْكَ. Ils vont prendre le dessus sur toi. وَيَذْكُرُونَ الْأَخْطَاءَ الَّتِي وَقَعْتَ فِيهَا فَتَكُونُ أَنْتَ الْمُخْطِئُ. Ils vont évoquer les fautes, parce que quelqu'un qui parle avec ignorance, obligatoirement, il va faire des fautes. Tu vas faire des fautes, et c'est toi qui seras en tort. لكن إذا رددت بعلم وحجج ما استطاعوا أنهم يردون عليك. Par contre, si tu répliques avec science et connaissance et argumentation, ils ne pourront pas te répliquer ou t'atteindre. قوله أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة. Ne sais-tu pas que Mohamed ibn Sirin, malgré la distinction qui est la sienne, n'a répondu à aucune question de l'innovateur qui l'interrogeait. Dans la marge, vous avez parole de Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dans son livre Taqrib al-Tahdib, qui est un livre de biographie. Il y a, si je ne me trompe pas, à peu près 8000 biographies dedans. قال محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر مات سنة 110 أو 110 إدي محمد بن سيرين 110 محمد بن سيرين أبو بكر محمد بن سيرين معروف ثقة ثبت عابد quelqu'un de confiance. Quelqu'un de raffermé, un grand adorateur. Kabir al-Qadr, un homme de grande valeur. Mort en l'an 110 de l'Hégire. Il est mort la même année que le Hassan, Hassan al-Basri. Min kibar tabi'in, Mohamed Moussirin. Il dit donc, Mohamed Moussirin, min kibar tabi'in, fait partie des grands tabi'in. Wa min ahli al-ilm al-mashhourin, parmi les savants qui sont connus. Wa ma'a hadha lam yadkhul fi ar-radd 'ala hadha ar-rajul. Et malgré ça, il n'a pas ouvert le débat avec cette personne, l'innovateur qui est venu lui parler. لأنه يرى أن الرد عليه لا يجدي parce qu'il considérait que répliquer sur lui لا يجدي لا يجدي ça vient de الجدوى الجدوى c'est le résultat le profit il n'y a pas de résultat derrière il n'y a pas de نتيجة لأن سؤاله ليس سؤال علم وإنما سؤال تعنت la question que la personne lui a posée ce n'est pas une question de quelqu'un qui cherche à savoir. C'est une question de quelqu'un, التعنت, yani c'est quelqu'un qui, comment dire, qui va vers l'exagération. التعنت. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. العنت, c'est le مشقة. C'est quelqu'un qui cherche à rendre les choses difficiles, les choses rudes. وهذا من الحكمة. Ça fait partie de la sagesse de cette personne, l'imam Ibn Sirin. لأن قصد أهل الشر, لأن قصد أهل الشر أن يثير الشر. Les gens qui veulent propager le mal et répandre le mal, ils agissent de la sorte. فهو لما أدرك منهم هذا, quand il s'est aperçu de cela, وأنهم ليسوا مسترشدين, et que ce ne sont pas des gens qui viennent poser une question pour s'instruire, ولا طالبين للحق, c'est pas des gens qui viennent recherchant la vérité, وإنما يريدون التشويش, mais ils veulent juste provoquer des discordes, des isanies, du bruit. Sakata anhum wa tarakahum. Il s'est tué et il les a laissés. Wa sha'iru yaqul, le poète dit, idha nataqa as-safihu fala tujibhu, fa khayrun min ijabatihi as-sukut. Lorsque le faible d'esprit parle, ne lui réponds pas. Mieux que de lui répondre le fait de se taire. Idha nataqa as-safihu fala tujibhu, fa khayrun min ijabatihi as-sukut, fa in ajabtahu فإن أجبته فرجت عنه وإن تركته كمدا يموت. Le vers suivant, le cheikh il l'a pas cité, معروف, c'est فإن أجبته إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فإن أجبته فرجت عنه. Si tu lui réponds, c'est là où tu vas lui apporter joie et bonheur. فإن أجبته فرجت عنه وإن تركته كمدا يموت. Si tu le laisses parler tout seul comme ça, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il parle, il argumente et kada kada, et toi tu lui accordes aucune attention. Donc, il dit l'auteur rahimahullah qawluhu wala sami'a minhu aya min kitabillah azza wa jalla. Ibn Sirin ne lui a même pas laissé lui réciter un verset du Coran. Ida man yaqul usmi'uka aya aw nuridu an nabhatha fi ma'naha. Il lui dit, yani par exemple, quelqu'un qui te dit, je veux juste citer un verset, ou chercher le sens. وَهُوَ يَعْرِفُ مَقْصُودَهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ قَصْدُهُ الْإِسْتَرْشَادِ فَإِنَّهُ لَا يُجِيبُ. Il dit, quand tu connais son but, son intention, c'est pas quelqu'un qui vient chercher à clarifier, même quelqu'un qui a des équivoques, il a des choubouhats dans des domaines, même dans des domaines graves, il cherche la vérité, il faut l'aider. Contrairement à quelqu'un qui a des choubouhats, et qui veut les mettre, les semer chez les autres. Voilà, il fait sur lahu al-aya. Il n'a pas cherché à parler avec lui, pas cherché à lui expliquer le verset. Dans certains récits, Ibn Sirin, quand il lui a dit, aqra alayka aya min al-Qur'an, قال ولا نصف آية. Il a dit même pas un demi verset. Je veux rien entendre de toi. فقيل له. Donc les gens l'ont interrogé. Pourquoi cet agissement? فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. Il a dit Annie, je crains qu'il ne le déforme. Déforme un verset ou le texte. Et que quelque chose naisse. Quelque chose naisse dans mon cœur. إذا فتح له المجال ربما يقع في قلب ابن سيرين شيء من شبهاته فهو يريد سد هذا الباب. Donc il dit, s'il lui ouvre cette porte-là de discussion et de débat, il se peut qu'il lui infiltre dans son cœur quelque chose. Et donc il a voulu fermer cette porte. Dans un autre récit, ibn Sirin rahimahullah a dit القلوب ضعيفة والشبه خطافة. Les cœurs sont faibles et les شبهات, les choses équivoques, تخطف الإنسان. الخطف, c'est le fait de saisir quelque chose à une extrême rapidité. C'est ça le خطف. قال المؤلف رحمه الله وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم. L'auteur rahimahullah ta'ala dit, si tu entends quelqu'un dire, lorsqu'il entend le hadith du messager d'Allah, nous glorifions Allah, sache que c'est un jahmi qui veut rejeter les hadiths du messager et les repousser par cette parole. Il prétend glorifier Allah et l'exempter de toute imperfection lorsqu'il entend le hadith et la vision de la descente et d'autres encore. N'a-t-il pas rejeté le hadith du messager d'Allah lorsqu'il dit, nous glorifions Allah et ne disons pas qu'il descend d'un endroit à un autre. Il aura ainsi prétendu mieux connaître Allah que tout autre. Prends donc garde à eux, car la majorité des gens parmi la populace, yani Ammat al-Nas, la masse des gens, et d'autres sont dans ce cas et met en garde contre eux. Explication. وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ إِنَّا نَحْنُ نُعَظِّمُ اللَّهِ إِذَا سَمِعْتَ أَثَارَ رَسُولِ اللَّهِ فَعَلَمْ أَنَّهُ جَهْمِي. J'ai oublié. الشيخ نجمي رحمه الله dans le passage précédent. Il dit وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقش شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد على أهل البدع. Ne cherche pas à répliquer sur les innovateurs. Il dit رحمه الله فمعنى ذلك أنك لا تتكلف الرد على المبتدع. Tu ne dois pas prendre cette responsabilité sur ton dos de répliquer sur les innovateurs. ولا تجهد نفسك بمحاورته. Et perdre ton temps ou faire fournir des efforts dans le dialogue avec eux. ومناظرته, débattre avec lui. فإنه يخاف عليك في ذلك, car c'est dangereux pour toi en premier. وليس هذا يكون لكل الناس. Ça c'est pas quelque chose qui est ouvert à tout le monde. بل من أنس من نفسه القوة, celui qui ressent de sa personne une certaine force, والقدرة, une capacité, والعلم, la science, على مناظرتهم, dans le fait de débattre avec eux, بحجج, يقرعهم, à travers des arguments qui va prendre le dessus sur eux, comme a fait le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, فالظاهر أن ذلك جائز. Là il précise que c'est un da'i vient à toi, par exemple, ou n'importe quelle personne. Par exemple, soit un innovateur, soit quelqu'un qui répond à des innovations. Si tu n'es pas capable de répliquer avec science, tu ne t'adonnes pas à ça. Si quelqu'un d'innovation il vient pour discuter avec toi justement des shubuhat qu'il a, et c'est pas quelqu'un qui cherche la vérité. Différence, on a toujours parlé de cette différence-là entre quelqu'un qui cherche la vérité, qui veut savoir, il y a des choses qu'il ne comprend pas, il a lu un verset, il a lu un hadith, il a des incompréhensions sur le djihad, il a des incompréhensions sur des sujets du takfir, des sujets qui sont lourds, tu peux le clarifier, tu le clarifies. Par contre, s'il vient à toi, tu vois, j'ai un doute sur ça. Voilà, j'ai un doute. Non, il n'y a pas de problème. Contrairement à quelqu'un qui est ancré dans le bid'a, qui a ses idées, il ne cherche pas en débattant avec toi, comment dire. Il cherche la vérité, à savoir la vérité, mais il cherche à te rentrer dedans, comme la personne qui est venue voir l'imam Malik et il lui a dit il lui a dit tahawar ma'ak, je débat avec toi, on a dhiruk. Qala fa in ghalabtani attabi'uk, fa in ghalabtuka tattabi'uni. Il a dit l'imam Malik, je vais débattre avec toi, si je prends le dessus tu me suis, et si tu prends le dessus je te suis. L'imam Malik il a dit fa in ja'a thalith fa ghalabana, il y a un troisième, il vient et nous bat tous les deux, qu'est-ce qu'on fait? Qala nattabi'u, il a dit on suit lui. Il a dit idhab, va chercher ta religion, moi j'ai trouvé la mienne. Il a dit si t'as un doute dans ta religion, va la chercher, moi la mienne j'en suis convaincu, je la connais. Tu vois, ça c'est fermer le, le bab, la porte au hiwar qui n'a aucun sens, le débat qui n'a aucun sens. Comme certains des fois tu parles avec eux, il n'y a aucun fruit derrière. La personne elle est ancrée dans son innovation, quelle que soit l'innovation, elle est ancrée dedans, et elle est profondément ancrée, il n'y a pas de natija derrière. Contrairement à des gens, tu discutes avec lui, il a une idée, et toi tu as une idée, et vous parlez bien, chacun il laisse le temps de discussion à l'autre, et chacun il ramène ses arguments, et de là ils débattent, ils cherchent la vérité. Si l'autre il voit qu'il a tort, il revient sur, son idée. Donc chérie, différencier entre ça et ça, et toujours avec les conditions, l'ikhlas et la science. S'il n'y a pas ces deux conditions, tu ne rentres pas dans, même quelqu'un qui a de la science, il ne va pas avec une intention sincère, il faut qu'il corrige son intention avant de rentrer dans ce sujet. Et on voit, pour ceux qui savent qu'est-ce qui se passe avec beaucoup de prêcheurs et tout ça, que beaucoup qui se sont donnés à la réplique aux innovateurs, ils ont souvent eu des rakhwa, un certain caractère mou par la suite, ou commencé à excuser les innovateurs sur des choses, alors qu'avant ils étaient très rudes avec eux. Sur différents sujets, ils sont très rudes, et ils ont écrit des livres, ils ont fait des débats au Canada, et avec le temps, tu les vois, ils commencent à fléchir et tout ça. Donc c'est un sujet dangereux, premièrement pour la personne. Non. Un coup de nom ? Donc là, Cheikh Fawzan, il dit sur la parole de l'auteur, si tu entends quelqu'un dire, lorsqu'il entend le hadith du messager d'Allah, nous nous glorifions Allah, sache que c'est un jahmi. لأن الجهمي إذا سمع حديث الصفات مثل حديث النزول وحديث رؤية المؤمنين الله عز وجل إذا سمعها قال إننا نعظم الله عز وجل. C'est-à-dire que le jahmi et le mu'tazili pareil, quand il entend les hadiths sur les صفات, les attributs d'Allah, Allah il descend au premier ciel quand il reste un tiers de la nuit, حديث رؤية المؤمنين, le fait que les croyants vont voir Allah au paradis, quand il entend ces textes, il dit nous glorifions Allah. À la base le mot il est bien, tu adhimes Allah, tu glorifies Allah, mais ce qu'ils sous-entendent c'est quoi? Nu'adhimuhu an hadihi al-ahadith, nous glorifions Allah à propos de ces hadiths. Allah il peut pas descendre au premier ciel, il peut pas descendre au premier ciel, si on peut dire ça, il va de Mustawin al-Arshi, établi sur son trône, pour ceux qui le disent, et il va au premier ciel. Le premier ciel, c'est Sama ad-Dunya, celui que nous on voit. Pourquoi? Parce que chez eux, si tu dis ça, c'est que tu fais ressembler Allah à la créature. Pour eux, c'est un avilissement d'Allah, pour celui qui dit ça. Donc ça revient à dire que le messager avilit Allah, puisque c'est lui qui a dit ça. وَفِيهَ تَشْبِيهُ, pour eux il y a une ressemblance. فَهُوَ لَا يُرِيدُ تَعْظِيمَ اللَّهِ التَّعْظِيمَ الْحَقِيقِي, quand il dit nous glorifions Allah à propos de cela, ce n'est pas à prendre dans le bon sens du terme. Ce n'est pas à prendre dans le bon sens du terme, c'est à prendre dans le mauvais sens, dans le sens qui démonte que Allah descend au premier ciel. لَكِنْ لَهُ هَدَفْ مِنْ هَدِهِ الْكَلِمَةِ, il a un but derrière cette parole. هو يريد أنه لا يعمل بهذه الأحاديث, il veut sous-entendre qu'il ne considère pas ces hadiths et qu'il n'y croit pas. قوله يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة, en réalité celui qui dit ça cherche à rejeter les hadiths du messager et le repousser par cette parole. بكلمة نعظم الله فهي كلمة حق ولكن يراد بها باطل, c'est une parole de vérité, mais ce qui est sous-entendu, c'est le faux. C'est-à-dire la parole, elle est juste, mais ce que eux ils sous-entendent, c'est quelque chose de mauvais. يراد بها رد أحاديث الصفات الصحيحة الثابتة عن رسول الله sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent rejeter les hadiths qui sont authentiques, qui viennent citer que Allah descend au premier ciel. لأنه زعم أنها أنها تنقص لله عز وجل. Car ils prétendent que c'est un avilissement envers Allah. قوله فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. Celui qui dit ça prétend connaître Allah mieux qu'autrui. أي أنه أعلم بالله من الرسول عليه السلام. وهل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله. Ils prétendent connaître Allah mieux que le messager. Et est-ce qu'il y a une mécréance après cette mécréance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a'lamul khalq, c'est la créature la plus connaisseur d'Allah. قوله فإن جمهور الناس من السوق وغيرهم على هذه على هذا الحال. Il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, prends donc garde à eux, car la majorité des gens parmi la populace, la masse des gens et autres, sont dans ce cas-là. Souqa yani al-awam. Souqa, il dit, c'est al-awam, la masse des gens là, comme ils disent ici, la populace. Ida sami'u kalimatan tu'azzimu Allah, akhadu kalam al-jahmi ala zahiri. Yani, ils entendent que quelqu'un de l'bid'a dit, nous glorifions Allah, ils le prennent sous le bon sens. Ils vont dire, ça c'est une personne qui glorifie qui glorifie Allah, et il va prendre yani, ce qu'il va dire derrière, comme quoi Allah ne descend pas au premier ciel, etc. لأنهم لا يدرون عن مراده, car eux ils prennent yani, l'apparence de ce que la personne a dit et ne savent pas que ce que la personne sous-entend derrière c'est quelque chose de mauvais. Non, on va s'arrêter là inshallah. Quelqu'un veut peut-être ajouter quelque chose? Tafadhal. واضح. Paroles sont claires. تحتاج الى عنايته. عناية. يعتنى بالشيء. Prendre soin de quelque chose. Faire attention à quelque chose. يعتني بنفسك. Quelqu'un te dit prends soin de toi. يعتني بنفسك واهلك. وأقاربك. مشير. par rapport au الكفر الأصغر. c'est pas من الكبائر. أعظم من الكبائر. العلماء disent tout péché qu'Allah il a cité que c'est un kufr ou que le prophète il a cité que c'est kufr, c'est plus grave qu'un péché qu'il n'a pas cité que c'est kufr, qu'un péché qu'il n'a pas cité que c'est kufr. أي حاجة فيها كفر. sache que c'est au-dessus des kabair. Certains ils disent le kufr al-asghar, si tu veux, il est en premier, au numéro 1 au niveau des kaba'ir. D'autres te disent c'est au-dessus des kaba'ir. Parce que comme c'est connu, le shirk al-asghar, il y a une divergence entre les ulama. Est-ce que le shirk al-asghar, il est tahta al-mashi'a, oui ou non? Le shirk al-asghar, est-ce qu'il est sous la volonté d'Allah ou non? Quelqu'un il rencontre Allah avec de l'ostentation. Il rencontre Allah avec le fait d'avoir juré par autre qu'Allah. Il rencontre Allah avec tamaim. Qui mettent pensant que c'est quelque chose de profitable qu'Allah l'a légiféré. Tout ça, c'est petit shirk. Est-ce que la personne qui a fait ça, est-ce qu'il est sous le pardon d'Allah ou son châtiment, ou bien il n'y a rien à faire. Le shirk asghar, il sera châtié dessus. Fi khilaf, le shirk al-islam, ibn Taymiyyah, rahimahullah, wa ghayruh, il tarjih, yani la parole la plus juste, ce qu'ils citent, eux, c'est que les deux rentrent dedans. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, ils disent c'est nakira. Fi siyaq. في سياق النفي فيعم الشرك الأكبر والأصغر. Tu vois, c'est une règle de grammaire. Donc les deux shirks sont sous-entendus. D'autres ulama ils disent que le shirk al-asghar il est sous la volonté. Mais il n'y a pas de doute qu'un sujet où il est mukhtalafé bain ahl sunnah, est-ce qu'il est sous la volonté ou pas, contrairement au grand péché. Grand péché, qawl wahid inda ahl sunnah, une parole, c'est que la personne qui rencontre Allah avec des grands péchés dont il ne s'est pas repenti, il est tahta al-mashi'a, il est sous la volonté d'Allah. Soit il lui pardonne, soit il le châtie. Amma le petit shirk, petit coffre, tout ça, il y a une divergence. Il y a des savants, ils disent, il n'y a rien à faire. Si tu t'es pas repenti, tu seras châtié pour ça. Non. Non. Oui, par rapport à donc, ce qu'il dit, cher Fawzan. donc on comprend que lui, il le mettra alors au numéro 1 des kaba'ir. Alash? Par rapport à ici, il dit. C'est où le numéro? Wa innama hada kabira min kaba'ir dhunub. Naam, oui, tu peux le sous-entendre comme ça. Cheikh, pourquoi il a ramené ces textes? Parce que c'est des textes qui en apparence se contredisent. Il y en a un qui dit ne revenez pas après moi mécréant, et l'autre qui cite pourquoi? À cause du le fait que les musulmans s'entretuent. Et dans le verset, clairement, il cite que les deux qui s'entretuent, ce sont des croyants. Et c'est pour ça qu'il a ramené cet exemple. Il a ramené le verset sur Al-Idda, la période d'attente pour la femme dont son mari est mort. Tout ça, c'est dans ce sens-là. Yani. C'est pas le sujet qui est traité, yani, Kabira ou pas Kabira. Non. C'est juste, je me demande, je crois. Non. Deuxième mot, c'est quelqu'un a une décaïmoun ou sti'adad et marifa. Sti'adad, le fait de se préparer. Al-Janna u'iddat li muttaqin, nar u'iddat li kafirin. Wa'iddu lahum ma stata'tu min quwwa. Préparation. Sinon, c'est préparation. Voilà. Tu es préparé à ça, tu connais le sujet, tu maîtrises, etc. Quand tu dis de porter la science de quelqu'un qui n'a pas pris chez les savants, c'est une interdiction ou des conseils? Non, c'est une interdiction. Tu te mets en danger. Si tu prends la science à droite, à gauche, tu te mets en danger. En danger. La science, elle se prend chez les gens de science, pas ailleurs. Par rapport à ça, par exemple, pour faire ça la Jumwa, le vendredi, celui qui monte sur le minbar, ou par exemple, on va dire, si tu habites dans un endroit éloigné, il n'y a qu'une seule mosquée. Et le prêcheur est le plus supporté sur d'autres choses, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Il est plus porté sur quoi, Yannick? Il va parler sur le gouvernement, des choses comme ça, où il va parler d'une certaine science. Qu'est-ce que toi, t'as compté comme devoir religieux? Voilà, une fois j'ai entendu une fatwa de Cheikh Mokhbel, quelqu'un qui parlait pendant le Jumu'ah, et il y en a qui l'ont blâmé, et il a dit on n'a pas été ordonné d'écouter ce type de personne. Non, ouais, parce que c'était un salaf ou je sais pas. À la kulli hal, les gens qui ont des sermons qui sortent totalement de la voie droite, vous les évitez un maximum. Si vraiment tu es confronté, tu n'as pas le choix. Allah, ouais, est-ce que les savants disent qu'il vient au moment de la prière ou pas? Ça, je sais pas. Est-ce que tu esquives même Yanni, le sermon du vendredi, tu l'écoutes pas? Franchement, je peux pas te répondre. Je sais pas. Si un frère a entendu quelque chose, il lui répond, Inch'Allah. J'ai rien lu là-dessus. Tout en sachant qu'il faut les éviter un maximum. Faut pas gêner. Tu vas au premier rang et après, t'es coincé. J'ai dit que c'était page combien que... C'était la fin du livre. Pas d'autre chose, on s'arrête là, Inch'Allah. Hada wallahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad, ala alihi wa sahbihi ajma'in.